בתקווה שלי. Qui nous verse maman là, dis-moi si yo ka plaire, nous battez pour river jusqu'là, sans qu'on nous peut décider. Les bons moments.